Vines, Vines, Hans, Vines, 3, 4. Bang, bang, bang, le chaos, t'aurais pas compris. Allez, tape en 5, cher bon nutri, sur les tapis. Toujours plus pilé de la tête, toujours la même mentalité. C'est pas du punk à roulette, prenons en pleine liberté. Dans la ta maman, si tu peux écouter mes chansons, y'a plein de gros mots dedans, dis pas ça à ta maison. J'sais pas dans la dentelle, plutôt dans le dirty que bon. J'en fais chialer les pucelles et les hippies à la con. Dans la ta maman, si tu peux écouter mes chansons, y'a plein de gros mots dedans, dis pas ça à ta maison. J'en pas dans la dentelle, plutôt dans le dirty que bon. J'en fais chialer les pucelles. Et vas-y, pourquoi t'as coupé la musique là, bordel? Vas-y, arrête, c'est bon là, tu casses les oreilles, t'sais.